Message 2. Bonjour, c'est Monsieur Leclerc. Je vous attends devant la médiathèque pour la réunion, au numéro 20, à côté du magasin de souvenirs. À tout à l'heure!